pièce revient après une année. Dès qu'il reprend le mic et alarme la société, hey. Si si, Thiès numéro 9 represents. Ouais. Thiès revient te péter le crâne à coups de son brut, ouais. Ravive ton côté fade et ça sans bruit. Je reviens bafouer ton système auditif, ouais. Reviens t'avouer mon côté explosif. Ça te laisse sur le cul car tu sais que c'est ma sanction. Thiès, tu dis que ça pue car je suis en ascension. Seulement je te tue à coups de lyrics, mec. Attention, je trouve l'inspi, l'instru à coups de taf. Sur mon pilon, viens pas tester ma plume, elle est hors pair. Hein. En continu, crois-moi, mec, elle est hors pair, ouais. Je l'ai branché sur 10 000 volts et 1 ampère. Et ton flow, c'est comme la pluie sur mon impair. Alors t'as beau écrire ta vie, t'as beau te croire la voix. Crois-moi, des fois j'en ris, mec, car tu ne vois que toi. Dis-toi, artiste, le jour où tu dénonceras des faits. Pour moi, t'es un mec paumé, mépris, qui fait le fou, qui joue le dur, mais qui n'est rien en fait. Hein. Je suis comme un junkie devant un tas d'en fait, ouais. Qui interprète le monde qui n'est pas à son goût. Objectif, car je sais que je ne suis rien du tout. Hein. J'écris ton système avec des faits réels, ouais. Je ne cherche pas un rap en phéromone qui crame et qui tue des sons à l'appel, ouais. Qui se dit modestement qu'il est un homme, homme. Cherche pas en moi un son commercial, hein. Faire part à ton fameux commerce pâle, ouais. Participer à la télé et c'est trop de balles, car je sais distinguer le bien du mal. Le mic c'est mon gun et mes mots sont des balles. Je mets le faille à bonhomme des lyrics de pyromane. Je tue tout sur l'instru et je te laisse amorphe. Amorce une ascension de bâtard, si est-ce une cible sur ton radar. Le mic c'est mon gun et mes mots sont des balles. Je mets le faille à bonhomme des lyrics de pyromane. Je tue tout sur l'instru et je te laisse amorphe. Amorce une ascension de bâtard, si est-ce une cible sur ton radar. Les violons pleurent, le piano crie, ouais. Sur un beat lourd ponctué des cris. Thiès revient après une année. Dès qu'il reprend le mic et alarme la société. Hey, la société. Si, si. Ouais. Un fils de Jack qui vient analyser, qui vient banaliser, qui vient aseptiser les moins convaincus, s'accaparer, s'acclimater à ce qu'on le focus. Désarmé sur le beat, tuer les plus sauf crenus. Hey, le piano pleure, les pianos crient, hein. Sur un beat lourd, ponctué des cris, hein. Propagande légale, viens squatter ton MP3 car tu connais la devise, mec. C'est jamais 203, un scud de rap, deuxième scud de reggae. Le troisième opus à la collecte vient s'ajouter. Pose ton cul par terre, je te fais décoller terre. Rap révolutionnaire initié par un couleur vert, je te fais mal au cœur. Des vérités qui te font peur, rapper une lueur. Initié par Jacob Mourneur, je viens titiller système, faire passer les sages. Babylon Fireball Day, mec. Tu sais qu'on a la rage, tu sais qu'on est en cage. Le monde est loin d'être sage, cette fois je prends la plume, dégage l'histoire, c'est moi qui réécris les pages. Si, si, Thiès, we're on a frame, les amis, propagande légale. Si, si, 2008. Ha. Thiès revient après une année. Dès qu'il reprend le mac et alarmé la société. Hey. Si, si, Thiès, we're on a 2008, MLR, c'est 760, propagande légale, propagande légale. The Almighty Records, le mic c'est mon gun et mes mots sont des balles. Je mets le faille à bonhomme des lyrics de pyromane. Je tue tout sur l'instru et je te laisse amorphe. Amorce une ascension de bâtard, si est-ce une cible sur ton radar. Le mic c'est mon gun et mes mots sont des balles. Je mets le faille à bonhomme des lyrics de pyromane. Je tue tout sur l'instru et je te laisse amorphe. Amorce une ascension de bâtard, si est-ce une cible sur ton radar. Propagande légale, propagande légale, propagande légale. Propagande légale, propagande légale.